J'en sais rien du savon, je veux pas le savoir, le savon, je trouve ça sale! Vraiment très sale! Très sale! Et le lavoir, le savoir, savez-vous ce que c'est le savoir? On n'en sait rien du savoir, ni du savon, ni du savoir, le savoir, on n'en sait rien! On n'en sait rien du tout! On n'en sait rien! Et le lavoir, je veux ça, le lavoir et le valoir. Qu'est-ce que ça vaut le valoir? On n'en veut pas du valoir, le valoir ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien.